nomenclature, ni la séminée, ni la synostium, ni la séminée. Sous les arches de pierre, crissent les hommes de fer, de croix sur un plastron, en signe de bénédiction, car loin de leur terre, ils contemplent l'enfer, mais dans leurs yeux fiers, resplendit cette prière. Ni la synostium, ni la séminée.